bonsoir. Voilà. Bonsoir. Donc vous vous trouvez comme tous les vendredis soirs sur l'émission Tranche d'Alain, l'émission anarchiste de Radio Erlim, de 21h à 22h30. Vous pouvez nous écouter. Nous nous trouvons toujours au 365A Chaussée d'Alsenberg, 1190 de Bruxelles. Notre numéro de téléphone, si vous voulez nous joindre, c'est le 02 344 58 55. 02 344 58 55. Alors ce soir, nous avons un groupe de jeunes de Piraton Bruxelles, on peut dire ça ? Voilà. qui vont venir nous parler de la problématique des logements à Bruxelles. Bon, je pense que cette problématique de logement, elle se fait aussi dans beaucoup de villes, de grandes villes. Mais à Bruxelles, c'est quand même assez, assez important. Et notamment en lien avec une manif qui va avoir lieu mardi prochain, le 21 mars, pour une manif pour le logement pour tous et pour toutes. Pour toutes et pour tous, excusez-moi. Voilà, donc on va d'abord passer peut-être un petit morceau de musique ou on commence déjà l'émission ? Petit morceau de musique ? Free. Voilà, donc nous allons commencer notre émission. Donc nous avons des, comme je vous ai dit tout à l'heure, des gens du collectif Piraton Bruxelles. Peut-être il faudrait peut-être rappeler un peu ce qu'est ce collectif. Je ne sais pas, qui peut parler ? Ouais, donc le collectif Piraton Bruxelles, il est encore assez jeune. Je pense qu'on s'était vu l'année passée, oui. Au début de sa création. Donc c'était survenu plus ou moins après l'expulsion à Utopirate qu'il y avait eu dans le courant du mois de novembre, je pense, de l'année passée. Et donc du coup, le collectif s'est créé après l'expulsion d'Utopirate avec d'autres camarades qui s'étaient aussi fait virer d'un squat, le Nénuf Noir. Donc on avait fait une espèce d'alliance... entre potes pour créer ce collectif. C'est ce collectif qui est un collectif de squatteurs. On squatte pour revendiquer le squat comme un moyen de répondre à la crise du logement, un moyen direct. On vient de créer une toute nouvelle charte qui est disponible sur notre blog actuellement. Et donc du coup voilà, là on a encore un nouveau squat pour l'instant, il s'appelle Le Crochet. On y fait des activités tous les mois avec une plage horaire assez remplie quoi. Voilà, on fait des squats dating pour les gens qui cherchent des alliés pour faire un projet de squat. On fait des crypto-parties à propos de la sécurité informatique. Il y a toute une série d'ateliers possibles. Et donc, du coup, là, pour l'instant, on est fort concentré sur la manif de mardi. Mardi 21 mars, je rappelle, à Porte de Namur, à 18h. Voilà. Et vas-y. Oui, et est-ce que vous demandez permission pour faire une manif ? Non. Non, on ne demande pas de permission parce que voilà, c'est comme pour le squat quoi. Hein, on prévient pas avant d'occuper un logement. Là pour la manifestation, on trouve qu'on n'a pas demandé à l'État pour manifester. Oui, mais je le demande puisque avec la marche au flambeau qui avait été faite par les féministes il y a quelques semaines, ça a quand même donné. Donner pas mal de problèmes et les flics essayent toujours de pousser les gens. Oui, mais vous n'avez rien demandé, si et ça. Non, c'est peut-être important de le savoir. J'ai des amis sans papier et pour eux, c'est important de savoir, par exemple, si une manifestation est autorisée, oui ou non. Parce que si ce n'est pas autorisé, hein, ils vont pas y aller. Il ne faut pas prendre des risques. Si, il y a des personnes qui prendront le risque également, de personnes sans papier, je pense, avec qui on est en contact et qui eux sont, voilà, pour certains potes, ils sont illégaux au jour le jour et ça changera pas au fait de manifester mardi. De plus, une manifestation qui n'est pas autorisée n'est pas forcément illégale. Au niveau juridique, dans la Constitution, on a le droit de manifester. C'est une loi qui prime sur l'autre plus petite loi qui dit que ça doit être soumis à l'autorité communale. Donc voilà, de prime abord. Et puis nous, on veut instaurer un peu une culture, mettre le coup sur le fait qu'on n'a pas, on ne demandera pas aux policiers, à l'État, de voir si on a manifesté. Pour nous, c'est une incohérence politique de le faire, et on l'assume. Et pourquoi le 21 mars ? Ouais, le 21 mars, tout simplement parce que c'est symbolique pour nous, c'est la trêve hivernale. Donc dans le milieu du logement, on sait que par exemple en France, il y a une trêve hivernale qui est appliquée, il n'y a pas d'expulsion avant le 21 mars en hiver. En Belgique, c'est toujours pas le cas, il y a toujours moyen d'expulser, même si à l'heure actuelle, dans les logements sociaux, c'est par exemple, c'est appliqué quoi, en termes d'expulsion. Oui, bon, dernièrement, on entend beaucoup parler d'une nouvelle loi. Qu'on veut faire passer. J'ai lu le texte que vous avez publié sur votre blog, donc piratonbruxelles.noblox.org et aussi sur Unimedia Bruxelles, où vous expliquez un peu l'hypocrisie de tout le bruit qu'on fait autour de ça, en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ? Bah oui, on a carrément instrumentalisé un fait divers. Si on peut rappeler tout doucement le fait divers, bon, voilà, ils ont dit, voilà, des Roms ont occupé un logement d'un couple qui était parti en vacances, et ils l'ont réduit à ça. Ils n'ont pas expliqué la réalité dans les faits. C'était une maison qui venait d'être achetée par ce couple, qui est parti 2 mois au Vietnam. Pendant ce temps-là, un escroc dans le domaine du logement a loué une chambre à cette famille de Roms dans cette maison. Et donc le couple était domicilié dans cette maison. Et donc après, du coup, il y a eu une procédure judiciaire où le juge a laissé 14 jours au Roms pour partir. Et donc du coup, le pouvoir politique et les médias se sont servis de ce fait divers pour dire, vous voyez, il y a des grandes attaques envers la propriété privée, les propriétaires sont en danger, et donc du coup, il faut qu'on accélère les procédures d'expulsion. Donc, en deux mots, les nouvelles mesures qu'il y aurait dans ce projet de loi, c'est d'une part que les bourgmestres pourraient, sans passer par un juge de paix, intenter une procédure, et en plus une procédure qui serait même plus au civil mais au pénal. Ce qui voudrait dire que les squatteurs risquent des peines d'emprisonnement et des amendes assez lourdes. En plus, ils veulent accélérer les expulsions rapides, qui sont encore plus rapides maintenant. Quelle est la réalité aujourd'hui, en fait, des possibilités d'expulser, des délais ? Mais donc, il y a toujours une possibilité, à l'heure actuelle, d'expulser très rapidement. Si ça se passe en unilatéral, ça peut avoir lieu en 48 heures. Mais à l'heure actuelle, par exemple, un bourgmestre peut, par exemple, intenter une procédure d'expulsion s'il fait un constat d'insalubrité. On se rappelle ce qui s'est passé à La Roue l'année passée, où le bourgmestre a fait un faux constat d'insalubrité et en 48 heures, on devait avoir quitté les lieux. Mais à l'heure actuelle, ce ne sera même pas en cas d'insalubrité, ce serait généralisé, quoi. C'est le problème. Il faut quand même dire que l'argument, je l'ai vu dans les journaux aussi, hein, l'argument des politiciens de l'insalubrité, donc il y a des outils, et en fait on dit ouvertement qu'on utilise un argument ou un outil judiciaire à des fins qui ne sont pas à la base le but d'une certaine loi. Donc en fait ils disent eux-mêmes qu'ils utilisent cette législation sur l'insalubrité ou la possibilité de faire des choses pour tout à fait autre chose, en fait. C'est simplement pour expulser la maison, peut-être dans un état nickel. Ouais. Bah oui, mais c'est quand ça. Même... Bah oui, exactement. Bah oui, on l'a vu à La Roue l'année passée. En fait, ça dérangeait tout simplement le bourgmestre qui voyait que le foyer Andorlectois, dans le quartier de La Roue, il y avait 80 maisons vides, une cinquantaine de murets. Et donc, du coup, ça dérangeait qu'il y ait des squatteurs, en plus avec des revendications, et qui mettaient l'accent là-dessus par la propagande. Ça dérangeait. Et donc, du coup, on se sert d'une loi, d'une soi-disant d'insalubrité, on rédige un faux constat, on magouille avec la police, et comme ça, on expulse, et ces gens partent de mon quartier. Voilà, espérons qu'ils aillent dans une autre commune et que j'aurai plus affaire à eux, quoi. C'est clair. Est-ce que c'est une loi qui peut aussi jouer sur les gens qui ne savent plus payer leur loyer pour les expulser plus vite, en fait ? Bonne question à vérifier. Ouais, il faudrait aller vérifier, mais je pense que c'est une loi qui porte plus... Enfin, ce projet de loi porte plus sur un projet de loi anti-squat, quoi. Je sais qu'il y a un détail maintenant de la loi qui est publiée sur le site du gouvernement, quoi, d'un des partis qui a mis en avant ce projet de loi. Mais je n'ai pas encore regardé en détail, donc je ne saurais pas répondre à la question. Non, je veux dire ça parce que c'est toujours très difficile à un politicien de mettre un truc sur un. Ils exagèrent toujours, quoi, tu vois. Ils ne vont pas attaquer juste un truc. Ils veulent en profiter aussi pour que d'autres, en fait, subissent la même chose, quoi, tu vois. Dans d'autres termes, quelqu'un qui s'est payé le loyer, on vient, on dit, ah, ça, ça libre, et on les jette dehors en moins de 48 heures. Oui, et c'est aussi pour ça que nous, dans nos revendications, on ne se cristallise pas autour du squat. On essaye justement d'élargir le truc comme tu viens de dire, aux locataires précarisés, des locataires qui ne savent plus payer leur loyer ou qui, des personnes qui vont mettre 2/3 de leur salaire tous les mois dans leur loyer. Et c'est pour ça, par exemple, la manifestation de mardi, c'est un logement pour toutes et tous, parce qu'on a vraiment envie d'élargir ça. C'est vraiment autour du logement aussi, par rapport aux luttes des sans-papiers qui squattent beaucoup à Bruxelles et qui se font énormément réprimer aussi, qui se font expulser tout le temps. Donc voilà, nous, on se cristallise pas. Même si nous, on squatte, on se cristallise pas autour de ça. On essaye d'élargir vraiment la chose, quoi. Ouais, pour plus voir un peu à ce que dit Vic, oui, voilà, nous, le squat, c'est notre méthode de réappropriation des logements, mais c'est évident qu'on se place en solidarité avec toute forme de lutte qui voudrait faire baisser les loyers ou mettre un prix de plafond des loyers. Après, voilà, ce qui fait peut-être la plus-value, pour parler en termes capitalistes, de notre collectif, c'est que justement, on n'est pas un collectif pour le droit au logement. Le droit, c'est cette vieille littérature impériale et religieuse, et que nous, on est pour la réappropriation directe, expéditive, sans la moindre négociation. On n'a pas à demander à qui que ce soit, fût-il bourgmestre ou fût-il ministre ou même roi des Belges, si on a le droit d'habiter quelque part, quoi. Oui, mais vous restez quand même solidaire avec des gens qui ne sont pas forcément dans la même démarche politique, mais qui ont un problème de logement. Oui, voilà, tout à fait. On peut tout à fait comprendre que tout le monde n'est pas toujours envie de squatter, que tout le monde n'est pas dans une situation familiale qui lui permet de prendre des risques de pouvoir se faire expulser à n'importe quel moment. Et c'est clair qu'on est en solidarité avec tous ces gens et qu'on est prêt à donner nos faibles forces pour les aider dans leur combat. Dans le cas des locataires, pour répondre un peu à la question... D'abord, y a un bail qui est signé, donc je pense que pour l'insalubrité, un constat d'insalubrité, c'est plutôt compliqué, je pense, de remettre en cause, en fait, voilà, il y a un bail, il y a quelque chose de signé. Ensuite, il y a d'autres manières de faire en sorte d'expulser des locataires en faisant croire qu'il y a des travaux de rénovation de prévus dans le logement. Et voilà, c'est un moyen de mettre la pression sur le locataire pour qu'il parte. Voilà, c'est le cas, par exemple, moi, dans mon squat, je fais partie du collectif Piraton BXL, mais j'ai ouvert un squat à part. Et en fait, les anciens locataires ont été invités à partir. Le propriétaire leur a proposé un loyer. À la base, c'était un loyer. On a contacté un ancien locataire qui a pu nous le dire, nous le certifier. Il payait un loyer de 650 €. Le propriétaire leur a dit, écoutez, moi, j'ai envie de faire des choses, de rénover le logement. Si vous voulez rester là, c'est 1 000 €. Donc c'est une espèce de chantage voilà, et c'est un bon moyen pour que les locataires partent. Donc il y a toujours des moyens pour les propriétaires de faire ce qu'ils veulent, en fait, complètement. Mais il y a toujours des moyens parce que la loi protège les propriétaires. Exactement, la loi est de toute façon du côté des propriétaires. Bah oui, dans tous les cas. Le droit à la propriété, c'est un droit qui est extrêmement soutenu par les classes politiques. C'est sûr. C'est même pire que ça, c'est dans les droits de l'homme, il paraît. C'est dans les droits de l'homme. Le droit de la propriété privée, oui. Dans les droits de l'homme. Et le droit au logement aussi. Ouais. Il vient après, je pense, celui-là. C'est vrai, il y a des droits plus importants que d'autres. Et en général, à Bruxelles, comment ça se passe pour les squats? De temps en temps, je reçois des SMS, tu vois, des appels au soutien. comme Rue Galet dernièrement et d'autres. De ce que vous savez, hein, de ce que vous voyez, comment ça se passe pour l'instant avec les squats à Bruxelles, enfin, dans la région, je veux dire. Ben donc, ça va dépendre lesquels. Le squat que tu viens de citer, par exemple, ben, il y a eu. C'est un squat qui a déjà été squatté dans le passé et qui appartient. C'est public, je pense que c'est. Que ça appartient au CPS, mais je ne suis pas sûr. C'est pas le même ? Ah, ok. Bon, en tout cas là où il y avait nos potes aujourd'hui, où ils ont failli se faire expulser tout à l'heure, il y a eu l'alerte. Ben, pas de souci, il n'y a pas eu d'expulsion pour finir, mais les flics ont dit qu'il y aurait une expulsion d'ici une semaine. Et donc voilà, il faut toujours se tenir prêt. Enfin, voilà, de manière générale, ça dépend ce qu'on entend par squat, mais si c'est un squat où il n'y a pas de négociation, la plupart du temps, bah, ça peut se passer de différentes manières, mais ça se passe souvent de manière unilatérale, avec des expulsions qui peuvent aller très vite, des jugements qui peuvent être pris en 48 heures, en une semaine. On voit la situation des sans-papiers qui sont trimballés de grand bâtiment en grand bâtiment tout l'hiver et encore maintenant. C'est très difficile. Ils ont énormément besoin de soutien. Ben, en gros, pour faire rapide, je pense que la situation des squats à Bruxelles est désastreuse, quoi. Les bourgmestres n'en veulent pas et la répression est féroce, quoi. Et puis aussi, nous, on essaye du coup de... Enfin, donc nous, on a un squat bien politique et on essaye de créer des liens entre les squats revendiqués politiques de Bruxelles. Mais bon, c'est dur parce qu'ils sont quasi inexistants. Là, enfin, en réfléchissant comme ça, j'en compte trois. Et du coup, c'est un peu compliqué de créer vraiment une lutte aussi là-dedans, parce qu'on est très peu, en fait. Quoique probablement, il y a beaucoup plus de squats qui sont discrets. Oui, ben, moi je suis sûr que... Enfin, on est tous sûrs qu'il doit y avoir des dizaines de squats à Bruxelles, mais c'est juste qu'on les voit pas, parce qu'il y en a plein, ou c'est juste des pauvres qui vont aller, enfin qui veulent s'abriter et du coup qui vont dans des logements mais qui le revendiquent pas du tout. Donc oui, je suis sûr qu'il y a des dizaines de squats à Bruxelles. Encore quand on était du coup à la roue à Anderlecht l'année passée, donc dans le quartier Rakem en a parlé tout à l'heure, il y avait une maison qui était squattée par un père et ses deux filles et un bébé de 6 mois d'une de ses filles. Et ils étaient du coup à 4 là-dedans, dans une maison qui, elle, était totalement insalubre. Et nous, on les a rencontrés parce qu'ils habitaient dans notre rue. Mais sinon, on n'aurait jamais entendu parler d'eux. Et je suis sûr qu'il y a énormément de familles dans ce cas-là à Bruxelles. Quoi. Oui, qui squattent par nécessité. Qui squattent par nécessité et qui squattent aussi parfois dans des maisons. Enfin, eux, leur maison, elle était... ils avaient dû aller prendre l'électricité dans la rue, ils avaient pas l'eau. Enfin, c'était invivable pour des adultes et encore moins pour un bébé. Enfin, c'était... Et je pense justement là-dessus que c'est pour ça que nous, on veut continuer à faire de cette manière-là. C'est parce que, comme on vient de le dire, etc., ben en fait, le nombre de squats les plus nombreux, c'est les squats invisibles, en fait. Et c'est les squats des véritables pauvres, ceux qui sont vraiment là pour la nécessité et qui squattent au jour le jour. Et pourquoi il faut se battre contre cette loi, justement ? C'est parce qu'elle va criminaliser tous ces gens-là qui finiront en prison alors qu'ils n'ont pas de toit. Pour se loger et qui font juste ça pour survivre. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut mettre le coup. Et c'est pour ça que notre collectif refuse en fait une dynamique généralisante qui va aller de toujours tenter de préparer des dossiers pour négocier à fond avec les les propriétaires, etc., comme d'autres le font. On pense que c'est bien que d'autres le font parce que c'est important de légaliser des lieux pour qu'il puisse y avoir encore d'autres lieux et d'autres personnes qui puissent être logées, etc. Mais nous, puisque justement on a un privilège de savoir comment ça fonctionne, on pense qu'on doit le mettre au service du squat, quoi. Sans dire qu'on est les porte-parole de tous les autres squatteurs de Bruxelles, mais on est dans cette dynamique-là en solidarité avec les plus oppressés. Il y a plein de gens qui ont des problèmes de logement à Bruxelles, et ça va de squats politisés jusqu'à des squats très discrets ou des gens qui se cachent un peu partout. Une question que j'ai, puisque à Bruxelles, il y a aussi des projets qui essayent de négocier des bails précaires, des choses comme ça. Est-ce que ça, c'est votre démarche? Est-ce que vous faites ça? Ou est-ce que vous prenez contact proactivement avec les propriétaires, par exemple? Alors ouais, du coup, il faut savoir que du coup, même dans les squats politisés, il y a vraiment plein de stratégies différentes, et que je pense que les stratégies, elles sont à voir en fonction du lieu. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on fait. On ne demande jamais avant de rentrer dans une maison. Donc, parce qu'il y a des personnes, des assos, des orgas qui qui font ça, qui essayent d'avoir des bails précaires avant même de rentrer dans des maisons. Donc nous, c'est pas ce qu'on fait. Mais effectivement, c'est déjà arrivé qu'on essaye de rentrer en contact avec les propriétaires et même d'autres, enfin je dis nous, mais après c'est d'autres squats politisés aussi qui rentrent dans des maisons sans demander, peuvent faire la même chose. C'est que ça dépend en fait vraiment des propriétaires. Parfois, des propriétaires peuvent habiter encore à Bruxelles, sont des adultes avec une vie encore active et tout. Du coup, c'est encore, enfin, c'est peut-être plus important de les contacter. Parfois, ça va être des personnes âgées dans des homes séniles qui ont leurs biens sous tutelle et tout. Du coup, il faut voir. Parfois, les propriétaires vont habiter à l'étranger, voire dans d'autres continents et tout. Enfin, en fait, ça dépend vraiment. Des fois, il faut vraiment regarder pour chaque situation. Enfin, nous, en tout cas, c'est ce qu'on fait, quoi. Mais oui, peut-être là-dessus, par exemple, un truc qui a beaucoup été médiatisé, c'est par exemple le truc qu'a fait la SBL de Simon Livingsbow avec le foyer XLOA, je pense. L'Ihout. Le projet L'Ihout, oui, je connais. Ouais, donc du coup, qui a été un projet qui a été fort médiatisé et dont certains pouvoirs politiques s'en servent parfois pour dire « Regardez, on fait certaines choses pour le logement, etc. Bah, » ça, par exemple, c'est une dynamique qui est excellente, mais qui a ses inconvénients de l'autre côté. C'est que c'est bien parce que ça permet en fait de sécuriser un lieu et de faire loger un certain nombre de personnes pendant X temps dans un logement vide, quoi, qui appartenait au foyer Excellois. On s'est également intéressé à un projet similaire quand on a entendu parler de ça avec cette assoce. On a du coup eu l'opportunité de voir un peu plus le truc de l'intérieur et donc du coup d'en faire une critique quand même. C'est que en fait, bon voilà, on a d'abord vu qu'il fallait, pour constituer le dossier, avoir une ASBL formée. Ça, c'était une première chose. Après, en fait, il fallait du soutien d'autres ASBL renommées. Ça ne suffisait pas d'avoir sa propre ASBL, il fallait un soutien d'une autre ASBL renommée. Il fallait en fait plusieurs dizaines de milliers d'euros de côté pour pouvoir engager les travaux. Parce qu'en fait, les travaux sont entièrement à la charge des locataires dans ce bail précaire-là. Il faut connaître tous les rouages politiques et juridiques. Et en fait, on se rend compte que c'est quelque chose qui est disponible pour une certaine catégorie de la population. Voilà, ça a son utilité, mais en fait, ce n'est que quelques projets comme ça qui mettent des années, etc., qui peuvent avoir lieu, et les pouvoirs politiques s'en servent pour dire qu'ils font quelque chose. Mais dans les faits, par exemple, nous, quand on a été visiter des lieux pour cet éventuel projet, on voyait qu'il y avait un immeuble qui était déjà squatté. Il y avait des assos qui étaient présentes qu'on ne citera pas pour leur voilà, on va rester fair play, mais qui disaient il faut expulser ces gens parce que c'est pour leur bien, avec eux aussi on pourrait faire des bails d'occupation précaire et tout ça, donc il faudrait les expulser, comme ça nous on pourra les occuper pour des bails et là on voit la dynamique où en fait certains ont accès à ça mais d'autres pas du tout. Et donc, voilà, il y a ce jeu politique où si tu es une assoce avec beaucoup de revenus, que tu as constitué un gros dossier, etc., tu peux avoir accès à ça, et c'est bien parce qu'en plus, pour ta bonne conscience, t'es payé pour ça, et donc du coup, c'est bien et tout, mais on s'en fout d'aller virer des autres occupants et qui sont beaucoup plus nombreux, quoi. Et c'est ça qui nous a un peu dégoûté, par exemple, dans ce genre de projet, quoi. Ouais. Mais c'est dommage qu'on n'a pas Lynn. Parce que c'est elle qui a fait le projet pour Sam Livingsbow. L'écoute, donc, je connais assez bien, en fait, puisque c'est une bonne amie. On a fait la radio ensemble. Et c'est elle qui a... Elle ne le fait plus, mais c'est elle qui a lancé le projet. Et moi, je ne connais pas les détails, mais ça a été aussi le parcours du combattant, franchement. Ça n'a pas été si facile. C'est vrai que par après, c'est très vite récupéré par les autorités. C'est très vite instrumentalisé à leur sauce, quoi. Ça, c'est sûr. Oui. Enfin, moi, ce que je dis toujours, c'est que, voilà, moi, ces assos, ces personnes-là, je suis contente qu'ils existent. Je suis contente qu'ils fassent ce qu'ils font. Après, voilà, nous, c'est pas du tout notre manière de fonctionner. Et je pense qu'on fera jamais ça, quoi. Mais je suis contente qu'ils existent. Je pense aussi, par exemple, à Two Stand, qui est aussi une assos qui fait... qui négocie, qui trouve des, c'est surtout sur des grands bâtiments abandonnés à Bruxelles, des grands hangars, des anciens bureaux et tout, qui contactent d'abord les autorités et après qui arrivent à avoir des bails précaires et qui les donnent en charge à des petits groupes pour qu'ils fassent des choses surtout culturelles ou des salles de concert ou des plaines de jeux là-dedans. Et voilà, eux, moi aussi, je suis contente qu'ils existent. Voilà. Ouais. Bah, ils quittent maintenant le... Tout ça. Tout ce temps, tu vois, ils quittent les hangars qu'ils ont occupés pendant 4 ans, je pense. Ils sont passés à Anderlecht, ou ils vont passer à Anderlecht. Bah, y a une... En septembre, il y a une convention à Anderlecht, près de Saint-Guidon, qui a été ouverte par Tout ce temps. Qui a un super grand bâtiment, hyper bien, en super bon état et tout, où là, il prévoit de faire pas mal d'activités, il y a des personnes qui habitent aussi là-bas, et effectivement, toute l'allée du Caille, je pense que c'est ça dont tu parles, donc tout ce qui est Barlock, le hangar avec la zinzinerie, magasin 4, ben effectivement, tout ça, malheureusement, va être détruit, je sais plus si c'est fin ou début 2018. Mais donc en gros ils doivent quitter pour septembre, octobre de cette année quoi. Bah, c'est 3 lieux alternatifs bah, avec le magasin 4, le hangar, la zinzinerie, le Barlock qui ont bien vécu et bah, plein de gens sont très contents que... Mais on voit bien la réification, la récupération politique derrière où en fait, voilà, on va faire vos lieux alternatifs, faites-le, etc. Vous participerez par ailleurs à une certaine gentrification dans le quartier. Et une fois que cette gentrification aura opéré, au revoir, on va détruire les lieux et faire des appartements de bourgeois de luxe. Et évidemment, c'est pas la faute à Two Stand, à la zinzinerie, etc. et tout. Mais quand on reparle avec des gens de la zinzinerie, aujourd'hui, ben, ils cherchent un lieu pour pouvoir se développer, etc. Et ils voient que le légal a ses limites, en fait. Y a en effet des limites dans ces lieux en termes de ce qu'on peut faire au niveau culturel, plus de bruit après 23 heures. Voilà, pas d'entrée, pas de commerce, enfin, tout ça est bien contenu dans des règles très strictes. Voilà, ça a ses limites, mais pourvu que d'autres lieux comme ça, quand même, se recréent et existent par la suite, mais on espère aussi qu'on pourrait créer des dynamiques de centres sociaux qui pourraient se créer, de centres sociaux anarchistes, dans lequel on mêlerait enfin en fait le culturel, le politique, le social ensemble, et dans lequel on pourrait sans se préoccuper justement de toutes ces règles que l'État veut nous instaurer, que les politiques qui veulent nous instrumentaliser. Ben moi je pense que ce serait bien qu'on arrive enfin à une dynamique où tous ensemble on se réunit pour se dire on fera le rapport de force, on tiendra avec ou sans papier. Les toughers, les skateurs, les anarchistes, ensemble pour former un centre social. Ce serait vraiment génial d'arriver à ça à un moment donné. On parle de ça depuis 20 ans, franchement. Bah, depuis la fermeture du squat Port de Halle, tenu par les collectifs dans les années 90, et puis le squat rue de la Victoire à Saint-Gilles. On n'a plus jamais vraiment eu un centre social à Bruxelles, en fait. Et ça manque, je trouve que c'est hyper important. Je pense que c'est nécessaire aussi de rester en dehors de la légalité, au moins c'est mon opinion. Mais ça veut dire aussi qu'il faut accepter qu'il y aura toujours une certaine précarité et il faudra la gérer, quoi. Je pense que c'est surtout important d'avoir un bon groupe de gens assez divers, tu vois, qui est prêt à porter le projet et de le faire déménager s'il le faut. Parce que c'est vrai, comme vraiment quelque chose. Pour une ville comme Bruxelles, c'est incroyable que ça n'existe pas, franchement. Non, mais c'est vrai quand même. Non, mais je crois que pour abonder un peu dans le sens de mon camarade Rakam, par rapport aux autres formes de squats qui seraient des squats plus légaux, on est sur une forme de soutien critique, quoi. C'est-à-dire que oui, on trouve ça bien, c'est une bonne démarche et il faut continuer à faire des trucs comme ça. Mais en même temps, voilà, d'un autre côté, ce serait bien aussi qu'on arrête de quémander le droit à chaque fois de pouvoir faire ci ou ça et de se dire oh, excusez-moi monsieur le bourgmestre, est-ce qu'après 23h j'ai encore le droit de faire du bruit? Bon voilà, nous on estime qu'on a le droit de faire du bruit après 23h, non? Je suis tout à fait d'accord, mais ce qui est chouette avec votre génération de squatteurs, je trouve, c'est que vous avez cette ouverture. Et donc, ce n'est pas un truc dur pour dire oui, ce sont les mauvais, ce sont les bons. Si c'est ça que vous essayez d'être plus inclusif, tout en tenant des positions politiques bien claires et de les exprimer. Mais ça, je trouve ça très positif, franchement, chapeau. C'est-à-dire dans cette société d'individus atomisés où on essaye, culturellement on essaye de séparer les gens, ce serait ridicule que nous, on arrive en disant « Ah non, nous, on représente... la pureté anarchiste du squat, et c'est comme ça, vous pouvez pas faire autrement, et tout ça. » Alors que de toute façon, déjà la façon dont le capital a réussi à cloisonner les gens dans des milieux sociaux, voilà, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est tout d'un coup qu'il y ait des énergies différentes qui se rencontrent, qu'il y ait des gens qui ne devraient jamais se rencontrer, qui tout d'un coup se retrouvent ensemble autour d'une bière pour discuter, tiens, mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que j'ai vraiment envie de payer un loyer? Est-ce qu'on pourrait pas reprendre ce bâtiment pour en faire... je sais pas, un truc avec des musiciens ou peu importe, quoi. Globalement, voilà, peu importe la manière dont on opère, quoi. Voilà, finalement, c'est des gens qui sont dans le besoin et qui ont des logements. Donc, voilà, qui sommes-nous pour juger? Maintenant, voilà, comme tu disais, on tient des positions... et on reste dessus. Après, voilà, on peut que être content pour des personnes. Voilà, ils ne sont pas à la rue, ils ont trouvé un logement. Voilà, c'est tout. Mais c'est même pas qu'une question de besoin, parce que même je prends l'exemple d'un très bon ami à moi qui est à tout stand, ou même de moi-même. Ni lui ni moi n'avons besoin d'aller en squat. C'est juste un choix politique assumé tout d'un coup. Je veux dire. Pourquoi est-ce que, par exemple, moi, pour prendre mon exemple personnel, je suis étudiant en histoire à l'ULB. Je veux dire, pour me trouver un cote à l'ULB, ça veut dire que je suis obligé de jouer les esclaves pour pouvoir me le payer. Sinon, je suis, comme tous les pauvres déclassés dans mon genre, rejeté vers la périphérie en Anderlecht, ce qui fait que je me tape des trajets de dingue. Donc, objectivement, je pourrais très bien m'arranger pour vivre dans un appartement ou jouer les esclaves justement pour avoir un cote, mais j'ai pas envie de le faire. Et je crois que c'est aussi ce genre de d'attitude qu'on a envie d'amener, à savoir que oui, le squat peut être une nécessité, et quand il est une nécessité, il faut le prendre directement, mais qu'il peut aussi être un choix de refuser de payer un loyer pour avoir juste le droit de pas se faire chier à la gueule par la pluie le soir, quoi, c'est tout. 5. Il est seul dans les rues de la banlieue dortoir de la ville. Le dernier bar a fermé depuis bien longtemps. Les usines crachent leur dernière fumée, tandis que les jambons dorment. Au loin, le bruit d'une sirène. Il sort une bombe de son sac et sur un mur, il écrit « Nos futurs ». Basilia qui fait la fête, courir avec des chaussettes, avec elle sous la couette, de la pluie et des trompettes. Le monde est beau, le monde est beau, le monde est beau, le monde est beau. Alors le monde, est-ce que le monde, est-ce que le monde il est beau, ou est-ce que le monde il est laid? Le monde est, le monde est, le monde est, le monde est laid, le monde est laid, laid, laid, laid, laid, laid. Le monde est laid. Voilà, on parlait de centre social. C'est vrai que c'est un vieux sujet qui a été discuté dans plein de lieux pendant des années et des années. Et pour une raison ou l'autre, on a du mal de le mettre en place, ou on a du mal à lancer une dynamique qui prend. Pourquoi ? Oui, ouais, c'est ça un peu ma question. Qu'est-ce que vous pensez ? Pourquoi c'est tellement difficile de mettre en place un centre social? Bah, y a plein de raisons, il y a plein de facteurs, je pense. Il y a le facteur de la répression. Je pense qu'à Bruxelles, on ne veut clairement pas d'un centre social anarchiste. Après, on parlait tout à l'heure d'inclusivité, etc. Et je pense que dans notre collectif, on est dans une démarche comme celle-là, qu'il y a plein de gens qui sont dans une démarche comme celle-là. Mais que finalement, il y a aussi un truc où, en fait, on prend l'heure actuelle, il y a peut-être 3-4 groupes qui veulent créer un centre social. Il y a l'effet d'un peu de groupe, je pense, avec le fait que le milieu n'est toujours pas si solidaire que ça, en fait. C'est un milieu qui est très critique et parfois on est divisé sur des questions très intellectuelles, alors que finalement on pourrait coexister, cohabiter ensemble et faire des projets ensemble, je pense. Je pense que c'est ça, en fait. On le voit parfois avec des petites polémiques sur Indie Media, sur qui est le meilleur anarchiste ou quoi. Okay. Je pense que c'est un peu un tabou, etc., mais que c'est terriblement chiant, en fait. Parce que t'as plein de petits groupes de 4-5 personnes qui se crachent parfois dessus, alors qu'en fait, le combat est le même et on est d'accord sur les grandes lignes, et on pourrait bel et bien former un grand groupe ensemble et avoir des discussions dans ce centre social, les uns avec les autres, pas derrière notre ordinateur, chacun chez soi et dans sa réalité. Oui, c'est ça, oui. Il y a un peu un effet comme ça, un petit problème dans notre génération, je pense, en effet. Problème d'individualisme, problème de pourquoi les autres ne sont pas comme moi. Et on est un peu. Enfoiré d'autres. Ouais, l'enfer, c'est les autres. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que tu as raison, franchement. Et moi, je pense que c'est pire que ça. C'est que le milieu en lui-même, à force de ne pas réussir à atteindre l'ennemi, finit par s'entrebouffer. Le fait de se bouffer entre nous pour des petites variantes minimes sur la théorie, c'est un aveu d'impuissance globale, en fait. Cette réflexion n'engage que moi et non pas le collectif Piraton Bruxelles, je tiens à le dire. Merci. Oui, moi aussi, je voulais juste rajouter que c'est vrai qu'à Bruxelles, le milieu militant est tellement petit, en fait. Enfin, on est très, très peu nombreux et ouais, comme a dit Rakam, on est hyper scindés et tout le monde fait ses trucs dans son petit coin. Et je pense que les gens dans leur petit coin font des chouettes choses, mais je crois qu'on ferait encore plus des chouettes choses si on était plus unis, quoi. Oui, c'est vrai, quand on parle de génération, ben, nous, avec Tranche d'Anard, on essaye de dépasser ça, enfin, de notre petite manière. Hein. Et on a vu arriver des générations ou des groupes, tu vois, qui ont tout blindé, tu vois, qui sont complètement dans... qui lavent plus noir que noir, en fait. Et c'est hyper chiant, parce que nous, on a toujours eu un côté très social, disons, tu vois, avec des gens qui étaient dans d'autres réalités aussi, tu vois, qui étaient, par exemple, dans le travail, ou qui étaient dans le syndicalisme, ou qui étaient dans plein d'autres démarches. Et puis, il y a eu des gens qui sont arrivés, qui ne voulaient rien savoir du tout, de tout ça. Et c'est pour ça aussi que vous nous donnez de l'espoir, parce que il faut toujours les jeunes pour dynamiser d'une certaine manière, pour avoir l'énergie, le temps, la volonté d'avancer. Et puis c'est un peu les vieux qui regardent ça, qui disent « Oh, magnifique, tu vois ». Ceci dit, moi je suis tout à fait prêt à rentrer dans un centre social, tu vois. Et puis il y a plein de questions. Enfin, est-ce qu'on lit ça au logement ou pas? Enfin, il y a plein. Mais ça, tout ça, ce sont des questions qui se discutent, qui sont des problèmes qu'on peut facilement résoudre, je pense. Tu vois, je l'espère en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette semaine, aussi à la maison, j'avais beaucoup d'énergie, tu vois, pour j'ai fait des petites plantes sur la terrasse et tout ça, parce que c'est le printemps, c'est... il faut faire des choses. Chez nous aussi. Et donc j'espère que c'est peut-être le moment d'avancer là-dessus, et je sais aussi, parce qu'il y a d'autres personnes qui m'ont parlé aussi, de cette volonté de centre social. Bah, il faut qu'on y aille, je pense, franchement. Bien sûr, c'est, à chaque fois, c'est un engagement en plus, parce qu'on fait déjà plein de choses dans notre coin, dans notre propre collectif. Et puis, mettre en place un centre social qui est quand même un engagement assez fort. Ouais, ça prend beaucoup de travail et dans le temps. Bah, j'espère qu'on va y arriver bientôt, franchement. Mais pourquoi ça marche dans d'autres pays et pas en Belgique ? Je pense qu'il y a des cultures politiques, par exemple, tu vois. Et il y a des passés de lutte aussi. Moi, je pense qu'en Belgique, on n'a pas vraiment de passé de lutte. Contrairement, par exemple, à nos voisins en France. On voit que toutes les luttes sociales, les luttes étudiantes prennent beaucoup plus. On voit avec les événements de ces derniers mois, cette dernière année, avec la loi travail, avec tout ce qui se passe pour le moment en France. On voit que ça prend, mais... hyper vite. Alors, moi, je crois que c'est aussi par rapport à un passé de lutte sociale qu'on n'a pas trop en Belgique. Quoi. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est même pas le passé de lutte sociale, c'est la mémoire par rapport à ces luttes-là. En France, il y a quand même une culture de la mémoire des luttes qui est assez puissante, et aussi parce que la France, finalement, s'est constituée comme une nation à travers des symboles, alors que la Belgique, c'est presque comme un état colonial, quoi. On prend une carte... Hop, on trace, on découpe et on dit « Ouais, toi, le flamand, tu vas être avec le mec qui parle français, machin et tout. » Finalement, mais c'est vrai. On dirait une province du Congo, en fait. Ça n'a aucun sens politique, ce pays, quoi. Mais il faut dire aussi, en Flandre, je connais un peu... Par exemple, à Gand, pendant des années et des années, il y a eu beaucoup de squats... qui ont existé, mais aujourd'hui c'est beaucoup, beaucoup moins. À Anvers, c'est mort. Enfin, à Leuven, il faut dire que ça bouge quand même de temps en temps. Mais quand tu vois, par exemple, à Liège, là, les choses sont beaucoup plus faciles. À un certain moment, parce qu'il y a une certaine tolérance. Mais il y a plus de tolérance peut-être à Liège qu'ailleurs, à Bruxelles ou à Gand. Oui, je le pense, oui. Bon, je ne suis pas un spécialiste, mais ouais. Je pense que oui. Ouais. Au niveau politique, peut-être qu'ils acceptent mieux, si tu veux, ce genre de situation. Je ne pense pas. Oui, parce que je pense que même dans la social-démocratie, il y a des gens qui considèrent que avoir des jeunes qui font des choses, que c'est bien. C'est un peu ça. Hein. C'est complètement... Un brave jeune, quoi. Oui, c'est complètement dingue, mais ça dépend un peu des cultures enfin, ou des traditions dans alors un lieu ou dans un autre. On a un centre social à Liège, alors. Ouais, mais à Liège, ça marche plus ou moins, je pense. Hein. Enfin bon, c'est un peu... Pour le reste, en Wallonie, je n'en sais rien, mais... Mais aussi, Liège a une longue histoire de contestation. Oui. Qui date quasiment du Moyen-Âge. C'est quelque chose d'assez étonnant. Ce qu'il n'y a pas à Bruxelles. Ouais, puis aussi au niveau des flics, quoi. Il y a beaucoup moins de flics, il y a beaucoup moins de forces étatiques là-bas à Liège. Je pense qu'en fait, partout dans la Belgique, ça peut mieux marcher de squatter, par exemple, ou de faire un centre social qu'à Bruxelles, parce qu'à Bruxelles, c'est une zone ultra tendue. Je ne sais plus, dans le classement, on est dans les premiers pays du monde qui sont le plus fliqué par le nombre d'habitants. Et je pense que ça joue aussi dans notre manière d'agir, dans la peur de la répression, mais aussi dans la répression effective quand on essaie de mener des projets à bien, quoi. Là, on parlait de centres sociaux et tout. Combien de tentatives de centres sociaux n'ont pas été expulsées après quelques jours à Bruxelles depuis ces dernières années? C'est incroyable. Et donc, c'est pour ça que plein de gens baissent les bras et préfèrent se tourner vers d'autres solutions aussi. Oui, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent expliquer pourquoi parfois ça ne prend pas en Belgique. Déjà, Marx le disait à l'époque que Bruxelles serait la dernière ville à s'insurger en Europe, etc. Que c'était une ville de petits bourgeois, etc. En bourgeoisie, etc. Enfin, voilà, ce n'est que des thèses, mais... Oui, mais en tout cas, pour beaucoup de marxistes, la petite bourgeoisie, c'est le terreau des anarchistes. Hein. Très souvent. Ça ne regarde que moi. Ça n'engage que moi, c'est comme ça. Ouais, tant qu'on est dans le cynisme, il y a une phrase que j'aime bien, je ne sais plus de qui elle est malheureusement, mais c'est « Les rebelles d'aujourd'hui sont les petits bourgeois d'hier ». Ce qui est vrai aussi, c'est quand il y a une certaine classe moyenne qui est touchée socialement, tu vois, c'est souvent là que ça commence à bouger. En tout cas, c'est considéré comme ça, parce que tant que c'est les pauvres, on s'en fout un peu. Mais quand la misère se généralise et commence à avoir un impact sur les classes moyennes, là, apparemment, c'est dangereux. Bon. Bah oui. Ah oui, non, la classe moyenne n'aime pas ses petits privilèges. Ça, c'est sûr. On le voit en Italie, en Grèce, en Espagne, où là, les dynamiques prennent bien. Bon, on parlait tout à l'heure de mémoire de lutte. C'est clair qu'il y a un passé de lutte dans ces pays qui est propice, mais en effet, je pense que le niveau de misère, quand tu as des étudiants en médecine ou même des médecins qui se mettent à squatter, des collectifs de mamies en Espagne qui ouvrent des squats et tout, c'est très différent que le paysage belge, quoi. Ça, c'est sûr. Scan brush the word dust, scandalous, front page arrows to phantomas, yet they hand to us only what's cancerous, nothing but the worst for the worst, so I stand up with the flow to expose those with stocking. It's a mobile X, I'm pumping mad toxin, dioxin, no time for relaxing, while the sun we basking is free energy blasting, wasted by assassins mastered in masking the truth. Ain't no fluke, power through the coupe, we knew. Yo. Tesla had the recipe, but too many brutes. Rushing for loot, kept the clues locked up in the vault. Now Haiti's underwater and our soil's full of salt. Full of salt on our senses, dispense with the cost of our mortal coil. Digging for my oil, making my blood boil. A gargoyle, keeping my brow furrowed and my nose will burrow. Singing a vivid to deliver the change that's thorough. Either be the spanner or be the master bureau. Crap with the crap to alter the map. Tackle the ice caps that are melting. Stop burning the coal. Trolls with short-term goals out of control. Competing for the power to power your light globe. Slight clothes needs to be opened up like a rose. Redesign, not time to sign Kyoto. Pronto, close the nook silo, open the hydro. Open the field, the window where the wind blows. Combined with sunshine, it's crunch time and lunchtime is over. Never say I never told ya. Look over the back before I smash your Land Rover. Hand over the keys, will you stand silver, will you stand soldier? Call me the boulder of vocal brief. Urban to rural, Murray River to coral reef. Give me relief, turning the tide before my tide turns grief. Cause we got the alternative energy, right. For a nuclear free autonomy. Well, we got the alternative energy, yeah. For a nuclear free autonomy. Musical metaphor about the things we're for. And again, get that message in your head. Musical meta, morphosization. Reading the freedom of information. About tuning the technology. Fitting out with the ecology. It's working, we're working together. Getting clever, we're committing modernity. Still catching the fatalities and the casualties of the confusion. That's what we're losing, nuclear fusion. Or is it fission? Gotta beat that vision. Global warming, I feel it burning. So why aren't we learning? Have you got the yearning to work this shit out? What it's all about? Let it grow, let the oxygen flow through your lungs. Or am I speaking in tongues? Hell no. I know you know what we got. Cause we got the alternative energy. Marketplace, city lights and skyscrapers, neon signs advertising flights to space stations. As automated and sweat patient, data dump salvation. Innovation exceeds the actual needs of the patient. Human brain waits at a crossroads, one thumb out for an upload. Strive for light speed, never arrive at what you strove for. Reverse on core of the centuries, leaving the sensitive pensive. The inventions of 2020 inventors. A robot claims poor maintenance and gets combo. Well, what was slip, slop, slap is now a total no-go. Deserts full of solar panels, riddling kids are surfing all the channels. Suburbs named Madonna after compact is landfill. As terrorists seek to dismantle the rule of the anvil. The spit fights back like the hammer to the anvil. I can solve my digital handheld crystal ball, but to view 2041 is still a bar call. Nous le voilà. Ben bon, on s'est dit, au lieu de vous dire... au lieu de vous raconter des salades, on va peut-être revenir sur le concret. Donc, vous refaites la pub pour le mardi qui vient, non? Bah la com, alors. Puisque vous manquiez de com. Bah, je pense on demande à tout le monde de venir en forme mardi prochain. À 18h. D'être préparé, quoi. Également, on pourrait faire la demande aux gens, justement, on parlait tout à l'heure du cas des sans-papiers, etc., de venir sans carte d'identité, au cas où il se passerait comme la Reclaim the Night, ou au cas où il se passerait comme d'autres arrestations qui ont eu lieu, puisque la plupart des manifs non autorisés ont été attaqués par la police ces derniers temps. Et voilà, de venir avec toute son énergie, tout son matos, toutes ses envies. Durant cette manifestation, on vous garantit qu'on a tout préparé pour que les choses se passent bien ce jour-là. Et ça démarre où ? À Porte de Namur. Okay. Et contrairement à ce que disait Roland Rantaine, c'est que soyons optimistes et que ok, c'est 2-3, enfin c'est peut-être 4-5 derniers mois, le peu de manifs qu'il y a eu, ça fait peut-être un peu attaquer par la police, mais celle-ci, nous, on a un réel bon pressentiment. Celle de l'année passée, c'est super bien passé. Il n'y a eu aucune violence de la part de la police. On a vraiment fait notre manif de A à Z et ça s'est super bien passé. Et du coup, on a hyper... optimiste aussi par rapport à celle-ci, et on pense que ça va vraiment bien se passer. Et on est prêt vraiment aussi, comme Rakam le disait, à protéger les personnes sans papier ou en irrégularité, qui donc on est tous prêts à les protéger en venant sans nos propres identités. Quoi. Ouais, c'est très solidaire, je trouve. Tu vois, c'est une bonne idée, franchement. Voilà. Et puis dans votre squat, hein, vous êtes dans le crochet, même pas tous, enfin où c'est votre lieu de ralliement. Ouais, c'est un peu notre lieu de ralliement, mais le collectif grossit de plus en plus. Et donc du coup, il y a une bonne partie du collectif qui habite là, mais il y en a d'autres qui habitent ailleurs, il y en a d'autres qui squattent ailleurs, etc. Et je pense que c'est pas fini, qu'on va continuer à en ouvrir d'autres, etc., à élargir notre panel. On est sur une bonne lancée, voilà, notre collectif n'a qu'un an. D'ici quelques années, on pense qu'on se développera bien. Voilà. Ben, ça fait un an qu'on vous a vu, donc voilà, c'est tous les ans, à la même époque. Donc, ben, on vous souhaite plein de choses, plein de bonnes choses, et puis j'espère qu'il y aura plein de monde à la manif. On va essayer que cet appel soit entendu. Ben, je vais répéter votre site. Donc, c'est piratonbxl.noblox.org. Je trouve que c'est très chouette que vous avez un site, et pas seulement vous n'êtes pas seulement sur Facebook, franchement, parce que ça fait chier. C'est vrai. Voilà, avec tout le programme, je vois. Et du coup, il y a notre adresse mail aussi où on essaye de répondre le plus vite possible. Donc, c'est occupons.bxl@riseup.net. Et c'est une adresse que vous pouvez aussi trouver sur le blog. Et voilà, vous pouvez toujours nous contacter. Ou sur Facebook, même si ça fait chier. Vous avez Facebook aussi ? Eh oui. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, tous ces gens qui sont sur Facebook, c'est pas possible. Malheureusement, il y a plein de gens qui ne sont touchés que par Facebook. Du coup. En tout cas, générationnellement, c'est difficile de capter nos congénères. Sans Facebook ? D'une autre manière, quoi. Un peu compliqué. Oui, mais il faudrait faire un barrage, parce que ça devient grave quand même. Hein. Bah, on essaye d'en sortir aussi, mais. C'est un peu compliqué. Nous, les vieux, on tient bon pour l'instant. Bah, déjà, vous entretenez bien votre blog et c'est parfait, je trouve. Bah, pour l'instant, oui, je crois que moi, je... Oui, puis on utilise tous les moyens de communication. C'est tellement compliqué avec l'Internet, alors le Facebook. comme Transgenre, hein. À fond, bah, on vous suit toujours, hein. On vous écoute à fond là-haut et on ne s'arrêtera pas. Voilà. Nickel. En tout cas, merci d'être passé et on vous souhaite plein de bonnes choses. Merci à vous. Pour la suite. À cab. Qu'est-ce que t'as dit ? Tu peux répéter ? À cab. À cab, ça veut dire quoi ? comment dire ? All cops are burnable. Excusez-moi, je ne parle pas anglais non plus. Disons qu'on essaye en fait de faire une des nouvelles formules de politesse. Qui consistent toutes pour la plupart à insulter les flics. Bah, c'est pas mal. C'est très poli. Pourquoi pas. C'est pas mal. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait un petit agenda vite fait, là. Ouais. Bon, alors, je vais pas parler de tout, parce qu'il y a des choses qui sont moins intéressantes.